Voici votre bulletin régional. Le 4 janvier, de 17 à 23h30, est offert un thé des rois, un souper suivi d'une soirée dansante pour les membres de la FADOC de Bishopton au local du club. On doit se procurer ses billets à l'avance.